Je vous souhaite un très bel après-midi. Restez avec nous. On écoute Histoire vivante tout de suite sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Le monde est certainement en train de vivre un de ces moments les plus dramatiques, un de ces moments où on entend battre le cœur de l'histoire. Moi, j'ai été blessé deux fois. Et à un moment, j'ai repris connaissance, il parlait plus la même langue. J'étais chez les Chinois. Cette semaine, la Corée. Je pense que le débarquement d'Incheon a été la phase essentielle, sinon une des phases essentielles de la guerre de Corée. D'une guerre fratricide à une réconciliation en impasse, l'entrée en scène de la guerre froide. More than ever before against this kind of sneak attack. Finalement, presque plus que la guerre, ce sont les conditions physiques qui ont été très dures en Corée. Nous avons toute cette semaine évoqué la guerre de Corée et le documentaire retenu s'intitule « Crimes de guerre en Corée ». Il est signé Tom Roberts. Irène Chaland, indiquez-nous dans quelles circonstances vous avez découvert ce film. J'ai découvert ce sujet au mois de février 2002. C'était dans un endroit idyllique à Brighton, en Grande-Bretagne, où la chaîne publique anglaise, la BBC, nous invite, nous venons du monde entier, nous sommes 2000, et nous visionnons des films, les dernières productions de la BBC pendant 3-4 jours. Et à cette occasion, j'ai découvert ce film qui a été réalisé par, entre autres, co-réalisé par un journaliste qui a obtenu le prix Pulitzer et qui apporte un éclairage sur des événements jusqu'alors inconnus de cette guerre de Corée. On nous a juste dit que nous devions partir pour la Corée. Que les Coréens du Nord avaient franchi le 38e parallèle, personne ne savait ni ce que c'était, ni où ça se trouvait, et dans le fond, tout le monde s'en fichait. Nous, on pensait juste qu'il s'agissait d'un soulèvement, quelque chose qui serait terminé très vite. Les soldats américains basés au Japon furent dépêchés sur le front où la situation s'était beaucoup détériorée. Dès le premier contact, les Nord-Coréens se sont joués d'eux et les ont battus à plate couture. La retraite était la seule solution. Les forces nord-coréennes qui se trouvent désormais à 100 km au sud de Séoul ont atteint un point situé à seulement 25 km de la ville de Taeyeon. Là, les troupes américaines, appuyées par une forte concentration aérienne et des tirs d'artillerie massifs, ont réussi à stopper provisoirement l'avance des chars communistes. Mais aucune ligne de défense solide n'a été mise en place. Une guerre reste toujours un fait terrible, épouvantable. Mais souvent un endroit obscur. Voilà, souvent un endroit obscur. Et particulièrement en début de siècle, on a tendance à virtualiser la guerre. Ça devient les opérations américaines, que ce soit en Afghanistan ou si je pense à l'intervention en Irak au début des années 90, au début des années 90. Nous donne l'illusion qu'une guerre reste une sorte d'opération chirurgicale, reste abstraite. Et ce documentaire peut sembler en partie anecdotique, parce que la Corée est lointaine dans la mémoire collective européenne. Mais en même temps, une fois de plus, elle nous emmène dans les coulisses de cette guerre et des bavures terribles que peuvent commettre des soldats dans ce genre de situation extrême. Des soldats américains ont fait irruption dans notre maison avec des fusils et des baïonnettes. Ils n'ont même pas enlevé leurs bottes. Ils ont fouillé la maison à l'aide d'une lampe, nous ont trouvés et ordonné de sortir. J'étais jeune et j'avais très peur. Je me cachais derrière ma mère et mon père en me cramponnant à eux. Mon père nous a dit que les Américains allaient nous évacuer, que nous devions faire nos paquets et quitter notre maison. Les Américains nous ont forcés à quitter le village. Nous ne savions rien et nous les avons suivis puisqu'ils nous disaient qu'ils allaient nous conduire dans un endroit sûr. Est-ce que c'est une manière aussi de pouvoir, pour les documentaristes, réinspecter la guerre, ce que, a fortiori, les journalistes d'actualité ne peuvent pas investiguer véritablement? Bien sûr, souvent le journaliste d'actualité est lié à des contraintes de temps, de production au niveau de, je pense à son article ou à son reportage de radio ou à son sujet télévisuel, et il n'a pratiquement jamais le temps de s'intéresser vraiment au fond des choses. Et c'est le travail, les vertus des documentaristes, des réalisateurs de films documentaires, qui sont eux-mêmes, je dirais, l'essence même de leur travail est la réflexion et le temps. Laisser le temps au temps pour essayer de comprendre, pour essayer d'analyser, pour présenter les faits dans la nuance, mais aussi sous une lumière qu'on ne connaissait pas. En Corée, on a coutume de dire « Quand les baleines dansent, les crevettes trinquent ». C'était la confusion la plus absolue. On était paumé, on s'arrêtait n'importe où. On creusait un trou, on attendait sans rien faire. On ne savait pas s'il fallait repartir. On ne savait pas où aller. En fait, la plupart du temps, je n'ai jamais su si quelqu'un commandait mon peloton, s'il y avait un sergent pour s'occuper de nous. Il n'y avait pas de responsable. Non, il n'y avait pas de responsable. Histoire vivante, la guerre de Corée. Rencontre du réalisateur Tom Roberts. My name is Tom Roberts and I'm the director of a BBC Time Watch film. Mon nom est Tom Roberts, je suis le directeur du film BBC Kill Them All, c'est l'histoire de crimes de guerre commis durant la guerre de Corée. Je suis donc aussi un citoyen américain qui vit depuis presque 30 ans en Angleterre comme producteur de films documentaires. Et pour moi, faire ce documentaire en tant qu'Américain, c'était une réelle exploration de l'histoire de mon pays. La raison principale pour laquelle ce film « Crime de guerre en Corée » devait être fait, c'est que, bien qu'il y ait beaucoup de très bonnes choses que j'aime, je crois que aux États-Unis, il y a une extraordinaire culture de l'isolationnisme qui est due probablement aux océans qui l'entourent et qui la séparent du reste du monde. Et je crois que les États-Unis ont parfois du mal à suivre, à comprendre l'impact de l'Amérique sur le reste du monde. C'est un grand problème. Et en tant qu'Américain, j'ai ressenti que c'était important de ne pas seulement regarder les succès de mon pays, mais aussi de regarder en face les faits que chaque pays est capable d'atrocités de guerre, quelle que soit sa démocratie, quelles que soient ses intentions, quels que soient ses buts, ses actions. Il y a toujours la possibilité d'horribles erreurs, mais également d'actions qu'un pays peut commettre. Et malheureusement, les Américains essaient de croire que parce qu'ils sont motivés par le bien, parce qu'ils se voient eux-mêmes faire le bien dans le monde, ils ne réalisent pas qu'ils peuvent aussi faire le mal. L'isolationnisme peut produire une forme d'arrogance, un sentiment de supériorité, un complexe de supériorité qui est en l'espèce totalement inapproprié. Alors, ce film, pour moi, était une vision personnelle pour à la fois faire face à certains faits, certaines réalités en tant qu'Américain, et également pour confronter mon patriotisme et le contraindre à regarder la réalité en face, ce que personne n'aime faire. Dans plusieurs films que j'ai tournés sur la guerre froide, en Israël, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, j'ai voulu faire face à certains faits difficiles, terribles et malheureux. J'ai tourné des films dans les goulags russes, des films sur l'Holocauste, des films sur la Palestine. Et je pense que le plus important pour un réalisateur, c'est de regarder la difficile réalité. C'est le rôle d'un réalisateur, notamment pour ce genre de documentaire historique. Et pour moi, le test, c'est de regarder, de pouvoir regarder en face les victimes. Et ceux qui ont commis des atrocités, partager autant que l'on peut leur peine, et de regarder directement les responsables et de leur demander de les forcer à reconnaître ce qu'ils ont commis. Et dans le cas de crimes de guerre en Corée, c'était différent parce qu'il y avait deux sortes de victimes dans l'histoire. Bon, il y a clairement les Sud-Coréens. Ce sont des personnes qui ont été attaquées, tuées, ou laissées pour mort, beaucoup moururent ou furent blessées. Mais il y a également un autre groupe de victimes. Ce sont les soldats américains qui furent obligés d'obéir à leurs officiers. Ils étaient jeunes, ils étaient sans expérience. Ils n'avaient pas de connaissance du monde, ils étaient terrifiés. C'est pas pour une excuse pour dire qu'ils ne sont pas responsables, mais ces hommes ont énormément souffert de la culpabilité de leurs actes. Et s'ils n'ont pas été soutenus par le gouvernement américain, qui a essayé de mettre l'affaire sous le tapis, qui a refusé de reconnaître la responsabilité des officiers, pas celle des jeunes soldats, mais des officiers, alors l'État américain, le gouvernement américain, a essayé de composer avec cette tragédie en refusant toute responsabilité. Alors, en tant que réalisateur de film, mon travail est de démontrer que ce pouvoir a une énorme responsabilité. Suicide is painless, ou Le suicide ne fait pas mal, est un autre extrait de la bande originale de la comédie MASH de Robert Altman, dont l'action se déroule dans un hôpital militaire durant la guerre de Corée. La musique est signée Johnny Mendel. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Attention, tonight's movie has been MASH. Follow the zany antics of our combat surgeons as they cut and stitch their way along the front lines, operating as bombs operating as bombs and bullets burst around them, snatching laughs and love between amputations and penicillin. Fuck, I steal that cheese. No, sir, that's the one he came in. Oh, very good. Come along, my dear. Follow Hawkeye, Trapper, Duke, Dago Red, Painless, Radar, Hot Lips, Dish, and Staff Sergeant Bulmer as they put our boys back together again. Starring Donald Sutherland, Elliot Gould, Tom Skerritt, Sally Kellerman, Robert Duvall, Joanne Flug, Rene Auberjonois, Roger Bowen, Gary Berghoff, David Arc, and John Chuck, Fred Williams, and Indus Arthur, Tim Brown, Corey Fisher, Bud Cort, Carl Gottlieb, Dawn Damon, Tamara Horrocks, Ken Primus, Danny Goldman, Tim Atwood, Michael Murphy, G. Wood, Rick Nealon, and Bobby Troop. God damn, Army. That is all. Requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Histoire Histoire vivante, cette semaine, la Corée. D'une guerre fratricide à une réconciliation en impasse, l'entrée en scène de la guerre froide. Aujourd'hui, rencontre avec le réalisateur Tom Roberts, auteur de Crimes de guerre en Corée. Question, comment ce film a-t-il été reçu aux États-Unis ? À ce que je sais, le film n'a pas encore été diffusé aux États-Unis. Le Pentagone a fait des efforts acharnés d'abord pour ne pas collaborer avec nous, et ceci en nous donnant absolument aucune interview, en nous apportant aucune aide pour que nous le fassions. Et qui plus est, une fois que le film a été fait, ils ont fait des efforts spéciaux pour intimider et menacer les gens, les personnes qui avaient participé au film. Le rôle du Pentagone a été très très négatif. Ils ont absolument refusé de faire face à ce qui s'était passé. Jusqu'à maintenant. Le gouvernement américain refuse absolument de faire face à la réalité. Le film commence avec un massacre de réfugiés sur un pont près du village de Nogunri. C'était les tout premiers jours de la guerre. Et les réfugiés marchaient vers la ligne américaine et les soldats étaient vraiment très effrayés. Ils venaient de subir plusieurs défaites depuis plusieurs semaines. Auparavant, ils n'avaient jamais connu de défaite. Hein. Alors les officiers étaient incompétents, ils étaient terrifiés. Et ils avaient reçu des ordres de leurs supérieurs de tuer les civils qui s'approcheraient de leur ligne. Les officiers ont perdu le contrôle, ont ordonné aux hommes de tirer, et ils ont tué un très grand nombre de civils. Cela a pris 50 ans pour que finalement le gouvernement américain reconnaisse les faits, reconnaisse que le massacre avait eu lieu. Il l'avait nié encore, encore et encore. On a répondu aux premiers citoyens coréens venus demander des dédommagements. On a répondu à 60 d'entre eux qu'ils avaient dépassé le temps autorisé pour les demandes de dédommagement. Tout à coup, une boule de feu m'a frappé à la tête. Un choc terrible. En regardant le sol, j'ai vu mon globe oculaire pendu à une sorte de fil. Il était si gros que je n'arrivais pas à y croire. Il était gros comme mon poing et se balançait devant mon visage. Les balles des avions continuaient à pleuvoir, mais je ne pouvais pas me mettre à l'abri à cause de cet œil qui pendouillait. J'ai supplié. S'il te plaît, maman, enlève-moi cet œil que je puisse me cacher sous toi. Elle était trop blessée pour pouvoir m'atteindre et elle m'a dit de le faire moi-même. J'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas réussi à l'enlever. Tous les gens autour de moi étaient morts. Alors, une fois encore, je me suis tournée vers ma mère pour lui demander de l'aide. Mam, s'il te plaît, arrache-moi cet œil. Elle m'a dit non, je ne peux pas. Mais maman, je voudrais ramper sous toi, mais je ne peux pas à cause de mon œil. J'avais une envie de vivre incroyable. Il s'agit d'une pièce instrumentale coréenne du répertoire de musique de banquet. Elle est issue de la tradition Tanggak, c'est-à-dire d'une tradition musicale importée de la Chine à partir du 8e siècle de notre ère. Elle est interprétée par les musiciens de l'Institut national de musique classique de Séoul. Thank you. Retour avec Tom Roberts, auteur de Crimes de guerre en Corée, dialogue avec le réalisateur autour de la genèse et des difficultés qu'il a rencontrées avec son film. Le Pentagone n'a pas aidé Tom Roberts. Voyons donc pourquoi. In the late 90s, the US government formally said that the unit. Vers la fin des années 90, le gouvernement américain a dit de façon officielle que l'unité qui avait commis le massacre ne se trouvait pas dans la région à ce moment-là. Elle a donc menti au public. Ils ont nié encore et encore que cette unité se soit trouvée sur place à ce moment-là et que les événements s'étaient passés ainsi. Finalement, parce que les investigations ont été faites, ils ont été obligés d'accepter que le massacre avait bien eu lieu, mais ils ont refusé d'accepter l'histoire qui s'y était déroulée. Alors, ils ont mené une enquête eux-mêmes, ensuite ils ont édité un document d'un millier de pages qui, à première lecture, absout de sa responsabilité le commandement américain. Mais en fait, si on examine en détail ce document, il dit la moitié de la vérité. Il ignore l'évidence et il induit des arguments fallacieux qui semblent justifier les actions américaines. Mais personne dans ce rapport américain d'un millier de pages n'est responsable de ces événements. Cela m'a frappé que si vous attaquez des civils pendant 3 jours, des survivants étaient cachés sous un pont. Il est inconcevable qu'une unité armée attaque des civils pendant 3 jours et que personne ne soit responsable. Si vous lisez les documents du Pentagone, vous lirez que personne ne s'est trompé. Et cela, c'est une déception fondamentale de l'Amérique du Nord, parce que soit les officiers n'avaient pas le contrôle de leurs soldats, mais ce qui est défini par la loi internationale, c'est que les officiers sont entièrement responsables des actes de leurs troupes. Soit, autre possibilité, ils avaient leurs soldats sous contrôle et ils ont donné les ordres, comme nous savons, tels qu'ils les ont donnés, alors ils sont directement responsables. Donc soit c'est votre responsabilité si vous n'avez pas vos troupes sous contrôle, soit c'est votre faute si vous donnez les ordres. Et le Pentagone a refusé d'accepter cette vérité. Les victimes de ces atrocités ont-elles eu droit à une quelconque compensation morale ou financière? Nous retrouvons Tom Roberts. Il n'y a pas de compensation directe. Le gouvernement américain a établi un fonds pour l'aide scolaire pour les enfants des victimes de violences en Corée. Mais c'est une aide très générale. Ce n'est pas une aide spécifique aux attaques des Américains en Corée. C'est simplement pour des civils qui sont morts. Une fois encore, je répète, c'est une aide très générale, très limitée, imprécise pour montrer qu'ils donnent une compensation. Et en fait, ce n'est pas une aide significative. La vérité, c'est que, bon, bien sûr, je ne peux pas parler au nom des victimes, mais tout au moins, selon celles que j'ai pu rencontrer, bon, une chose importante pour eux, bien sûr, c'est de recevoir des compensations matérielles. C'est très utile pour eux. Leurs vies ont été très dures, elles sont très dures, ils ont été blessés, ils ont tout perdu. Mais à mon avis, la véritable compensation, la seule réparation, ce serait des excuses honnêtes. Que le gouvernement américain ait le courage, jusqu'à présent son comportement a été complètement lâche, de s'excuser. Car nous avons non pas un, pas deux, mais 17 documents différents des généraux, des têtes de l'armée, qui disent clairement et explicitement que les soldats doivent attaquer les civils qui approchaient les lignes. Donc nous avons 17 exemples d'ordres donnés. Bill Clinton a présenté ses excuses, non ? Bill Clinton a exprimé ce que j'appellerais des regrets. Nous regrettons, mais il n'a pas fait d'excuses, même s'il était visiblement mal à l'aise avec ce sujet. Je pense qu'il aurait voulu s'excuser, mais ses avocats, ses hommes de loi ont dû lui dire que, quoi qu'il fasse, il était recommandé de ne jamais présenter d'excuses officielles. Quite rightly, do not feel that any apology has ever been formally made. Tom Roberts ne donne pas le nom du coupable, il ne nomme personne précisément, mais il pointe du doigt le mensonge. Il interroge un pays qui tente aujourd'hui de convaincre le monde entier de ses propres vertus démocratiques, mais les États-Unis, eux aussi, comme tout le monde, ont une marge de progression et d'amélioration. Sans doute peuvent-ils au moins être satisfaits d'avoir donné à Tom Roberts l'éducation et le sens critique qui lui permettent aujourd'hui de venir vers vous avec ce sujet. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mamie. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. Nous vous retrouvons lundi pour une nouvelle série d'Histoires vivantes. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.